influencé, fais attention. On va te clasher si tu fais le con. Dans notre team, que du vrai, du bon. Du son qui met la pression. Pas de mauvaise impression. Ceci est une agression à ceux qui voudraient toucher la commission. On lance des missiles, voici la sensation. Ouais, ouais, véridique est notre style. Et le fond, les assassins. Indépendante est notre musique, tranchante sont nos rimes. Vire à tribord, pas à bord, les faux, je les jette par-dessus le bord, d'accord. Mon flow est tantôt hardcore, trop fort, t'en veux encore. T'en sors du carabord, j'en verse encore, t'en as ras-le-bol. J't'attrape pas le col, j'te lève du sol, quand t'as pas de bol, j'te jette ta mauvaise sort. J'te mets dans le vent, tu sors les pieds devant. Même si j'ai tort, j'vais de l'avant, non, j'suis pas mort, j'suis encore vivant. Mon flow te boxe, te bloque, te choque. Mon flow le croque, j'm'en moque, j'le vogue. J'fais du hip-hop sans équivoque, j'suis pas ton pote. En bas ta camelote, salope, tu veux me carotte. J'te mets un stop, t'as pas la cote. Dans ton flow, y'a de la merde qui flotte. Tu veux jouer les grands, mais on va te casser plus qu'une dent. Chez nous, le commercial est dérangeant. Alors retourne voir ta maman, monsieur l'agent. Arrêtez ces faux brigands, ces faux divans. Ceux qui tombent demandent un pansement. Stopper ce mouvement, ces pédales sans dérangement. Nous on rappe, on met des claques, on débarque et on décalque. On connaît les galères, les baises et les portes qui claquent. Vas-y décale ou on t'attache dans la cale. Sur le son, on se cale, les faux tracks, les faux, les mots au micro. Je bois de l'accro mais je me prends pas pour un homme beau. Toi tu joues les Rambo, rien à foutre, c'est pas beau. J'ai le brolique et je me sens chaud, ça va compter au cerveau. On défonce, on démonte, il faut que je remonte et j'en ai pas honte. Plus méritant, on n'est pas trop qu'à affronte. On dénonce, ton histoire est fausse comme un conte. Alors renonce à ta sortie de romance. Espèce de petit pisseux, t'es qu'un branleur. Qui en avance, me demande pas l'heure. Fiston, tu veux du pifton. Vends ton cul, paille sur des bastons. Le plora, c'est pas fait pour toi. Tu fais pas le poids, casse-toi. Je crée ton désarroi. Tu crois beau et fort, mais au fond t'es pauvre et moche. Je t'en taille et je t'encoche, te taille au mur, j't'accroche. Ici trop de faux rappeurs, trop d'acteurs qui font un malheur. Car les gens qui font commercial d'ailleurs, il n'y a presque plus que ça. Les vrais se font rares et j'en ai marre de voir qu'il n'y a que les connards qui gagnent. Le vice a passé nos frontières, ça va péter. La roue a tourné, tout est détourné. On construit des bombes, utilise tous nos fonds pour être au front. C'est con, mais on ne fait rien pour le tiers-monde. On est tous frères, on vit pas les mêmes galères, on vient tous du même père. On vit trop de grâce, dans ce monde de casse, sans repère, les liens se desserrent comme dessert. La ceinture tu sers, alors le pan sert, et on s'en sert. Vénère vulgaire, son hostile, et comme pile, le flow, compile de déglingo. C'est nous les lingots, joue pas gringo, car tu tomberas de haut. J'rappe tous les jours par amour du rap, le flow m'attrape. Je sors des rimes de barge et ça m'épate, la vie m'inspire. Je te sors des dates et des souvenirs. Pas comme ces rappeurs bidons qui te parlent d'oppression. Ces messieurs vivent dans de bonnes conditions. Baisse-toi et tous, je vais te la mettre jusqu'au front, c'est ma mission. Garçon, 900.